Oh yes. Pilate voulant satisfaire la foule, relâcha Barabbas, condamna Jésus. Marie Magdala, minorité. Jean et Jacques, minorité. Pilate voulant satisfaire la foule, relâcha Barabbas, condamna Jésus. Après la vie battue, il est livré pour être crucifié. Les soldats l'amènent à l'intérieur de la cour. Voyez, il est revêtu de la pourpre, à la tête d'une couronne d'épines. La souffrance a monté, monté, monté. Jésus n'a pas pu supporter. La souffrance a monté tellement. Jésus n'a pas pu supporter. À la neuvième heure, Jésus cria d'une voix forte. Mon père, sur toute l'étendue de la terre. Le voile du temple se déchira en deux morceaux. L'accès maintenant libre au lieu très saint pour tout le monde. Demande pardon pour tes péchés, il te pardonnera. Même si tu as avorté, il te pardonnera. Même si tu as volé, il te pardonnera. Il nous a fait tous un royaume de sacrificateurs. Jésus, sa mort nous a libérés de la malédiction de la loi. Jésus, oh yeah. Élève ta main droite pour la gloire de Jésus. Dis quelque chose à Jésus pour l'œuvre de la croix. Dites merci Jésus. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci parce que tu es mort pour mes péchés. Merci parce que tu es mort pour moi. Merci parce que tu m'as délivré. Merci parce que tu m'as aimé. Merci parce que tu m'as délivré. Merci parce que tu m'as aimé. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.